On se figure aisément l'effet qu'eut dans l'Europe cette magnificence extraordinaire. Et si l'on considère tout ce que le roi fit bientôt après de mémorable, les esprits les plus sévères et les plus difficiles doivent souffrir les éloges immodérés qu'on lui prodigua. Il continua toujours à répandre ses bienfaits sur les lettres et sur les arts. Des gratifications particulières d'environ 4 000 louis à Racine, la fortune de Despréaux, celle de Quinault, surtout celle de Lully, et de tous les artistes qui lui consacrèrent leurs travaux en sont l'épreuve. Plusieurs écrivains ont attribué uniquement à Colbert cette protection donnée aux arts et cette magnificence de Louis XIV. Mais il n'eut d'autre mérite en cela que de seconder la magnanimité et le goût de son maître. Ce ministre, qui avait un très grand génie pour les finances, le commerce, la navigation, la police générale, n'avait pas dans l'esprit ce goût et cette élévation du roi. Il s'y prêtait avec zèle, et était loin de lui inspirer ce que la nature donne.